buongiorno a tutti. Prima di tutto mi dispiace di fare queste presentazioni in francese, però sarà molto più facile per me e penso per voi da capire cosa vogliamo dire. Au nom de toute l'équipe narbonnaise, en particulier Corinne Sanchez qui n'a pas pu être présente avec nous aujourd'hui, Marie-Pierre Roger-Zégou, Ambroise de la Salle et moi-même, je voudrais remercier les organisateurs de ce colloque international et en particulier la directrice de l'école française de Rome, Madame Catherine Verlouvet, pour son invitation et son hospitalité. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter les quelques résultats du projet de recherche sur les ports antiques de Narbonne, coordonné par Marie-Pierre Roger-Zégou ici présente et Corinne Sanchez, qui court depuis 2009. Ce projet est né d'un partenariat inédit entre la région Languedoc-Roussillon, le CNRS et l'UMR 5140 de Latte Montpellier, l'université Paul-Valéry de Montpellier 3, et implique toute une série d'intervenants et de partenaires dans le dialogue scientifique et technique, en particulier le Conservatoire du Littoral, le Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée, et j'oublie un partenaire essentiel, le DRASM, représenté ici par Marie-Pierre Roger-Zégou. Et depuis l'année dernière, l'intégration et la collaboration du projet sur Narbonne au projet Portus Limen, coordonné par Simon Kay à l'Université de Southampton. La cité de Narbonne, la colonia Narbomarsus, comme bon nombre d'entre vous le savent déjà, est située au croisement de la Via Domitia et de la Via Aquitania. Ces deux voies reprennent des voies de communication mythologiques et pérennes, en particulier la Via Héracléenne qui lie la péninsule ibérique à la péninsule italique et l'isthme gaulois ou l'isthme d'Aquitaine qui relie la Méditerranée à l'océan Atlantique. Pour reprendre le texte célèbre sur Narbonne de Strabon, Narbonne est située en arrière de l'embouchure de la Taxe et de l'étendue narbonnais. C'est le principal emporium de cette région. Un peu plus loin, il mentionne que quand on part de Narbonne, on remonte d'abord la Taxe sur une faible distance, puis on effectue la plus grande partie du trajet, soit environ 700 ou 800 stades par terre jusqu'à la Garonne. Cette situation a permis l'établissement d'un port important, tout d'abord une situation favorable sur les routes de commerce, et ensuite un site ou une région, un territoire doté de potentialités portuaires importantes. Strabon, dans le passage au livre 4.1.6, mentionne les deux principales composantes du système portuaire narbonnais, l'embouchure de la Taxe et l'étang dit narbonnais. Strabon, encore plus loin, mentionne, en parlant des volques arécomiques, leur épinéion et Narbonne, dont il serait plus juste de dire qu'il est celui de la Celtique tout entière, tant qu'il surpasse les autres par le nombre des entreprises auxquelles il sert d'emporium. Narbonne, donc, un port éminemment important dans le système portuaire impérial, mais qui finalement reste assez énigmatique aux yeux des archéologues et des historiens actuels. Pour quelle raison ce système portuaire narbonnais est peu connu? Tout simplement, pour commencer, car Narbonne, qui était située en arrière de l'embouchure de la Taxe, ne l'est plus aujourd'hui. La rivière Aude, donc l'ancien Attaque, se jette aujourd'hui au nord du massif de la Clape depuis le Moyen-Âge, et la ville de Narbonne n'est plus directement connectée à la mer par un fleuve naturel. Le territoire narbonnais se distingue des quatre principaux exemples, les quatre principaux deltas qui sont le thème de ce colloque, car Narbonne était située dans un delta dans l'Antiquité, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et de plus, Narbonne était située dans une zone soumise à d'importantes modifications. Tout d'abord, les modifications du paysage sont dues aux crues de l'Aude. On voit ici une photo de la crue de 2014 et la zone couverte par cette crue et montre très bien que même aujourd'hui, avec les travaux de canalisation et de canalisation du fleuve, la zone est soumise à d'importantes inondations, à d'importantes crues qui sont responsables d'importants changements paléogéographiques et notamment la défluviation du cours de l'Aude au nord du massif de la Clave. Une autre source de modification du paysage est la progradation du trait de côte. Voici une représentation de la région narbonnaise aux alentours de 2500-2000 avant nos jours, qui montre les deux zones touchées par cette progradation, les deux principales zones. Il s'agit tout d'abord de la zone du paléo-delta dans cette région ici, et la zone du cordon littoral qui, depuis l'Antiquité, a migré vers la Méditerranée d'environ 3 km. Donc, notre projet collectif de recherche vise à comprendre quel était le système portuaire de Narbonne dans l'Antiquité, depuis la fondation de la cité jusqu'à nos jours. C'est un projet pluridisciplinaire, basé essentiellement, tout d'abord et fondamentalement, sur un système d'information géographique réalisé par Julien Cavero de l'École normale supérieure, qui intègre toutes les données topographiques de l'IGN, les cartes marines, les cartes géologiques, les couches géologiques vectorielles, les couches hydrographiques, la carte archéologique nationale et bien d'autres. Voici un exemple ici, un lot de photos de l'IGN daté de 1946, intégré à notre système d'information géographique. Ici, un cliché sphère daté de 1995. Et ici, les résultats d'une étude des données LIDA réalisée en 2010 par la société Aerodata. Dans ce SIG est également intégrée toute une série de cartes historiques depuis la fin du XVIIe siècle jusqu'à nos jours et qui ont permis à Julien Cavero de retracer la paléographie la paléogéographie des lagunes narbonnaises depuis 1789. Ici, la surface en eau en 1789, en 1838, 1860, avec la construction de la ligne de chemin de fer entre 1857 et 1859, 1890, 1901 jusqu'à 1987. On peut voir, grâce à ces cartes, la réduction du plan d'eau au cours des trois derniers siècles. Dans le cadre de ce projet, nous avons fait appel aussi à plusieurs équipes pour réaliser des prospections géophysiques régulières. Ici, à droite, les sondages paramétriques de sédiments réalisés au Castellou, et à gauche, l'exemple des résultats de la prospection électromagnétique réalisée au lac de Capelle, réalisée par Vivien Maté de l'Université de La Rochelle. Toute une série de carottages géomorphologiques ont été réalisés, et voici un exemple des travaux en cours de Tiphaine Salez, dans le cadre de sa thèse de doctorat, qui présente une évolution géomorphologique du système lagunaire narbonnais depuis 8000 ans avant nos jours jusqu'à nos jours. Évidemment, dans le cadre de ce projet, l'essentiel de nos travaux sont consacrés à la fouille et prospection archéologique. Je vais présenter ici des résultats généraux sur le projet qui permettent de remettre en question toute notre connaissance du système portuaire, et les travaux de terrain en prospection et en fouille se sont concentrés particulièrement sur quatre sites, la Nautique, Castellou-Mandirac, Saint-Martin et Sainte-Lucie. Donc, je vais maintenant me consacrer cette présentation à quelques résultats. Il ne s'agit évidemment pas de présenter tous les résultats de ce projet, mais en particulier d'insister sur la notion du système portuaire narbonnais dans l'Antiquité. Voici une carte réalisée dans le cadre de mes travaux et du projet pour l'ERC Portus Limen, qui montre les sites d'occupation humaine de la région narbonnaise du 2e siècle avant Jésus-Christ au 3e siècle de notre ère. La première impression qui se dégage de cette illustration est que le système portuaire narbonnais dans l'Antiquité est beaucoup moins simple que ce que l'on pourrait imaginer. On a pu recenser plus de 200 sites autour de la lagune et le long du bas cours de l'Aude. Pour la période tardo-républicaine, donc la fin du 2e siècle avant Jésus-Christ, au premier temps de la colonie, le système portuaire semble être basé sur deux sites principaux, l'oppidum de Montlaurès, encadré en noir ici et une photo aérienne sur la droite, qui est occupé depuis l'âge du fer, et après une période d'abandon au 3e et jusqu'au milieu du 2e siècle avant Jésus-Christ, renoue avec une économie florissante, certainement en relation avec la fondation de la colonie narbonnaise en 118 avant Jésus-Christ. On peut voir sur les deux camemberts représentés ici les relations commerciales qu'entretenait l'oppidum de Montlaurès, essentiellement vers la péninsule italique et vers la péninsule ibérique. Dans la zone de Narbonne-Ville, on n'a pas d'indication d'une véritable colonie italienne pour cette période, et le seul véritable indice d'une occupation commerciale et assez soutenue provient des fouilles de la gendarmerie, où une zone de commerce, avec un point d'interrogation, a été reconnue pour la période s'étalant de 120 à 100 avant Jésus-Christ. On retrouve encore une fois ici les deux principaux courants commerciaux arrivant à Narbonne, au niveau de la céramique fine, la campanienne A, et ensuite les productions de la péninsule ibérique, la côte catalane et les céramiques ibériques peintes. Au niveau des amphores, on a 96% des amphores qui proviennent de la péninsule italique. Au niveau des lagunes, de nombreux sites sont occupés, mais toute l'occupation reconnue semble être essentiellement rurale. C'est le cas des sites sur les bords des lagunes de Narbonne, mais également sur les sites des îles. Se pose, dès cette période des premiers temps de la colonie, la question du port ou des ports de Narbonne. Comment le matériel en provenance de péninsule italique et de péninsule ibérique arrivait à Narbonne directement en suivant la voie fluviale jusqu'au centre-ville ou par l'intermédiaire de ces petits sites à vocation rurale tout autour des lagunes et dans les îles. Pour le 1er siècle avant Jésus-Christ, la situation est approximativement la même. On a un site de première importance ici, Lillette, sur la commune de Périac-de-Mer, où on suppose l'existence d'un établissement italien daté de la première quart du 1er siècle avant Jésus-Christ, où on retrouve 100% d'amphores italiques et la grande majorité du matériel de céramique fine provient également de la péninsule italique. Pour le centre-ville de Narbonne, on n'a toujours pas de traces d'une occupation urbaine de type italienne, mais le site de la médiathèque, avec la fouille de deux fosses, ont permis d'établir une chronologie assez précise pour la période du 1er siècle avant Jésus-Christ. Je vous présente simplement un exemple où on retrouve pour la période de 50-40 avant Jésus-Christ la prédominance toujours des importations italiques. C'était également le cas pour la période 40-30 avant Jésus-Christ. Et au niveau des céramiques fines, on retrouve également la grande proportion de campanienne A pour les deux périodes et également les premières apparitions de dérivés des campaniennes A qui correspondent à une production locale. C'est avec la période augustienne qu'interviennent véritablement des grands changements à Narbonne. En 22 avant Jésus-Christ, Narbonne devient la capitale de la province romaine de Gallia Narbonensis, et le matériel du même site de la médiathèque montre un changement fondamental au niveau des amphores ici, où les amphores dominantes ne sont plus les amphores italiques, mais les amphores tarraconaises. On retrouve également 19% de amphores en provenance de Bétique. Il semblerait que le commerce narbonnais à partir de l'époque augustéenne a tendance à pencher plus vers la péninsule ibérique que la péninsule italique. C'est également à la période augustéenne qu'on retrouve les premiers éléments monumentaux de la cité narbonnaise, notamment le dit Capitole, le dit Forum et la structure dite Auréum ou Cryptoportique de Narbonne. C'est également à cette époque qu'on a les premières structures portuaires. Voici ici une vue aérienne du site de la Nautique, à 4 km au sud du centre-ville de Narbonne, sur les rives des lagunes. Le site est occupé depuis les années 30 avant Jésus-Christ jusqu'aux environs de 60-70 après Jésus-Christ, donc plus ou moins calqué sur la période de la dynastie julio-claudienne. Et depuis le début du projet, et même depuis les années 90, bon nombre de structures ont été retrouvées sur ce site. Tout d'abord, des structures liées à une activité proprement portuaire, un débarcadère, avec dans ce secteur-ci le débarcadère fougué par l'association Anteas à la fin des années 90, et la découverte à proximité de cette très grande ancre en jade de plomb qui atteste sans aucun doute le mouillage et l'accostage des navires en ce point. Mais ce port de la Nautique est également un port d'exportation, comme le montrent les importants dépôts de sigillés de la gaufre zinc retrouvés sur le site et qui présentent tous des cassures mais très peu de traces d'usure. Donc on suppose qu'il s'agit d'une zone de tri avant exportation de ce type de matériel, mais également aussi un port d'importation avec, comme on peut le voir, les différentes provenances des amphores qui correspondent à ce qu'on retrouve à la médiathèque pour le 1er siècle avant Jésus-Christ et sur les autres sites narbonnais pour le début de l'ère chrétienne. Donc une zone de portuaire avec une activité d'importation et d'exportation, mais également une activité de stockage avec trois grands entrepôts découverts depuis 2010. Voici un exemple, les fouilles réalisées par Olivier Genouvès en 2010, où on a pu retrouver deux entrepôts de 130 mètres de long sur plus de 10 mètres de large, et dont les fouilles, les quelques tranchées réalisées, laissent penser qu'il s'agit d'entrepôts à Doliat, dans le type de ce qui est connu pour le port de Marseille. La présence de ces entrepôts à Dolia laissent penser au stockage de vin en vrac. En revanche, on se pose toujours la question s'il s'agit de vin importé ou de vin exporté depuis la région narbonnaise. La chute des amphores tarraconaises pour la période postérieure à 10 après Jésus-Christ laisse penser qu'il s'agirait plutôt de stockage en vrac du vin en provenance de Narbonnaise. Et sur la représentation artistique, on peut voir ici un bateau citerne arrivant dans la zone de la nautique. La zone est également une zone de production de céramique, car lors des fouilles de Corinne Sanchez en 2010, deux très grands fours de potiers ont pu être mis à jour. Le plus grand fait 8 mètres sur 8 mètres. Voici ici une représentation artistique à l'échelle. Malheureusement, on ne connaît pas quel type de céramique était produite à l'intérieur de ces fours. Est-ce qu'il s'agissait de céramique liée à la redistribution du vin en vrac stocké dans les entrepôts? La question reste ouverte. Une des découvertes les plus spectaculaires du projet est située à 400 mètres des structures que je viens de vous présenter. Il s'agit ici d'une piscina et d'un triclinium fouillés entre 2010 et 2013. Il s'agit d'une piscina circulaire de 67 mètres de diamètre, datée la construction en 30 avant Jésus-Christ et la destruction en 10 après Jésus-Christ. Pour avoir une idée de la taille de la structure, c'est deux fois la superficie de la piscine de Lucullus à Circeo et trois fois la superficie de ce qui est connu comme étant la piscina de la grotte de Tiberio à Sperlonga. On voit ici quelques images des fouilles où on retrouve le mur périphérique fourni et d'amphores décapitées et fichées dans la maçonnerie. La maçonnerie est un petit appareil assise régulière et lié par un opus Camendicum. Ce bassin était approvisionné par deux sources d'eau, une source d'eau salée depuis la lagune par l'intermédiaire de ces canalisations voûtées ici, et un apport d'eau douce au moyen de canalisations dans le mur périphérique vers l'aquifère du versant. Et on a pu retrouver dans ce coin-ci un support de vanne à martelière qui permettait de réguler les apports d'eau salée ou doux dans le bassin. On a pu également retrouver des murs du compartimentage du bassin. Ce bassin était compartimenté en quatre différents petits bassins. Et voici le seul mur de compartimentage conservé sur plus de 3 mètres de haut. On retrouve la même technique de construction avec des amphores affichées dans la maçonnerie et avec une découverte remarquable d'une porte en plomb. Ici, un détail, percé de trous et qui permettait de ménager un courant à l'intérieur du bassin sans que les espèces conservées à l'intérieur du bassin ne puissent se mélanger. Il s'agit exactement de ce qu'on retrouve dans les sources classiques, en particulier Varron et Columel. Au centre de ce bassin, on a pu fouiller un bâtiment rectangulaire qu'on interprète comme le triclinium estival de la piscina. Ce bâtiment a les dimensions intérieures sont de 20 mètres sur 10. Il est divisé en deux espaces. Au sud, un espace ouvert, qu'on interprète comme une aire de service. Et au nord, une zone beaucoup plus travaillée, avec un mur d'exèdre et au centre, un hérisson de galets. Et surtout, dans la partie la plus septentrionale, un bassin secondaire à abside qui a conservé sur sa paroi méridionale un cuvelage en chêne caducifolié et dans sa partie nord, un mur mêlant une architecture de pierre et des niches en bois. On retrouve les amphores qui caractérisent les viviers pour l'époque romaine. La fouille de ce petit bassin nous a permis d'avoir une idée de la superstructure qui recouvrait ce soubassement. Je ne vais pas vous détailler toute l'architecture qu'on a pu retrouver, mais on voit une photo ici de l'effondrement à l'intérieur de ce bassin, et on a retrouvé énormément de blocs d'opus réticulés ou quasi-réticulés ici, et des fragments de plaques de pavement en opus actylé. Ce fragment est celui que l'on voit ici, et qui reprend la forme de l'abside de notre bassin. Donc, a priori, un opus actylé venait recouvrir ici toute la zone directement en contact avec ce bassin. Sous cet effondrement, on a pu grâce à un tamisage systématique de tous les sédiments à l'intérieur du vivier, récupérer des milliers d'ossements de poissons qui sont encore en cours d'étude, mais les premiers résultats montrent que l'espèce dominante conservée in vivo dans ce bassin était la murène, et également deux espèces très représentées, le labre vert et le labre merle. Toutes ces trois espèces sont des espèces évidemment très intéressantes d'un point de vue de l'observateur et rentrent totalement dans la fonction de vivier d'agrément tel qu'on la conçoit. Également, nous avons pu retrouver ici un fond de vase en laiton avec une scène figurée tirée de l'Iliade où on a Achille attrapant par les cheveux l'enfant Troïlos, le fils cadet de Priam. La découverte récente de l'année 2013 a été dans la partie ici ouest de ce bassin, un compartiment en bois rempli exclusivement d'huîtres, et il s'agit à n'en pas douter d'un lieu de stockage des huîtres in vivo avant leur consommation sur le trichinium. Ce type de structure est de façon récurrente associée à les riches villas maritimes, en particulier sur la côte du Latium et de la Campanie, et on est en droit de supposer l'existence d'une telle villa maritima à Narbonne en relation avec les structures portuaires de stockage et de production que nous avons vues précédemment. Le problème est que pour le moment, nous n'avons pas la villa maritima à Narbonne, mais les fouilles les plus récentes, qui sont terminées il y a 15 jours maintenant, ont pu découvrir dans cette zone-ci un mur de terrasse de 400 mètres qui pourrait être associé à cette villa, ou du moins à des jardins d'agrément que l'on suppose par la découverte d'énormément d'essences d'arbres dans le comblement de notre bassin. La question que l'on peut se poser à partir de cette découverte est: quelle était la part de cette villa maritima dans l'organisation du commerce et dans le fonctionnement des ports de Narbonne? Jusqu'à notre découverte, toute la zone de la nautique était interprétée comme le port de Narbonne à l'époque augustéenne. Cependant, c'est assez maigre pour le port de la Celtique tout entière. A priori, d'après nos résultats, il semblerait plus que nous sommes ici en présence d'une zone privée qui associe une partie résidentielle avec une partie économique tournée vers les activités portuaires. La même question sur l'importance des villas dans le système portuaire peut être posée à partir des prospections réalisées à Sainte-Lucie. On est ici à l'entrée des lagunes, voici une vue 3D de l'île, où on a pu, grâce à la prospection, localiser une villa associée à un débarcadère dans une petite anse ici. Cette villa est essentiellement tournée vers l'exploitation en carrière du calcaire. On a 17 hectares d'exploitation en carrière. Certaines sont datées, la datation de certaines à l'époque romaine est attestée, même s'il est difficile de dater ce type de structure. Et on retrouve également des éléments d'importation, des amphores de Tarraconaise et des amphores italiques. La question que l'on peut se poser encore une fois ici, c'est: le matériel que l'on retrouve, le matériel importé que l'on retrouve sur ce site, a-t-il transité par Narbonne ou par un port comme la Nautique, ou est-il directement arrivé sur l'île pour la villa? On continue encore avec les fouilles de l'île Saint-Martin. Ici, on est toujours à l'entrée de la lagune. Le site a été fouillé depuis 1999 et depuis 2009, des fouilles programmées extensives sont en cours et ont permis la découverte et une amélioration de notre connaissance du site, qui s'organise tout d'abord autour d'une cour centrale avec un bâtiment en pierre de taille que l'on voit ici. Et autour de cette cour centrale et sur les deux ailes à partir de ce bâtiment, on retrouve toute une série de boutiques et deux thermes. Ce complexe monumental est construit à partir des années 20 avant Jésus-Christ, et à l'intérieur du bâtiment ici en pierre de taille, Stéphane Monet et Guillaume Duperron, qui fouillent le site, ont pu mettre au jour ici une balance et une grande quantité de jetons qui laissent penser à une activité commerciale et peut-être de contrôle du commerce. À cette activité s'ajoute un rôle dans les cales des navires, puisque deux citernes, en voici une, ont été fouillées l'an dernier, des citernes de grande dimension, 10 mètres, c'est la longueur qui n'est pas complète encore, 3 mètres de large, et en relation directe avec un mouillage que l'on retrouve ici, qui n'a pas été délimité encore dans le détail, mais qui ne fait aucun doute dans ces citernes en relation avec cette activité, encore une fois, portuaire. Également, une activité de réparation des navires attestée sur le site par la découverte, ici, d'une plaque de calfatage en plomb. Un autre site important pour la compréhension du site du système portuaire narbonnais. Donc, on a pu voir que nous avons des sites avec une activité portuaire proprement dite, mais également des sites de production et encore un site de production important pour le site narbonnais. Il s'agit du site de la Grange Neuve, daté du 1er siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 3e siècle après Jésus-Christ, où au cours du 1er siècle après Jésus-Christ, le site est entièrement spécialisé sur la production d'amphores gauloises 4 qui sont exportées dans toute la Méditerranée occidentale et même dans les zones plus continentales. Donc on a affaire à une zone de production, une zone d'exportation. La question est, est-ce que l'exportation se faisait par la Via Domitia que l'on voit ici représentée en rouge ou directement par le Via la lagune qui est ici à proximité de nos jours. On n'a pas la relation exacte avec la lagune dans l'Antiquité. Enfin, une autre des découvertes les plus spectaculaires du projet se situe ici au Castellou, dans les zones inondables de l'ancien delta de l'Aude, où Corinne Sanchez et ensuite Marie-Pierre Gézébou ont pu fouiller deux levées et un brise-lame qui venaient canaliser l'ancien cours de l'Aude dans la lagune. Alors voici une photo aérienne des fouilles avec deux voies, une voie ouest et une voie est, avec un chenal de 50 mètres de large pour 5 mètres de profondeur, donc un tirant d'eau particulièrement important. Les premiers aménagements datés de cette structure remontent à la moitié du 1er siècle après Jésus-Christ. Il s'agit de palais en bois sur lesquels a été construit la chaussée. Le bois a pu être daté par dendrochronologie. Donc voici une représentation artistique de ce qu'a dû être la construction d'une des deux chaussées. Au cours du deuxième siècle après Jésus-Christ, cette chaussée est encore aménagée. On retrouve ici un entrepôt, un mât de levage, dont voici une photo ici. On a également attesté des voies sur Orient dans ce secteur et une plage aménagée de ce côté-ci. Voici une représentation artistique de la zone au deuxième siècle de notre ère. Voici une image qui illustre tout d'abord les dimensions de la structure et sa situation dans au milieu des lagunes narbonnaises. Voici ici ces dimensions. Au cours du 4e siècle, un événement, certainement une crue, détruit une partie de la chaussée. Nous sommes ici dans cette zone-là. Et la structure est reconstruite en utilisant du matériel de la démolition des bâtiments de Narbonne. On peut voir ici des fragments de colonnes en marbre, en calcaire fin, des éléments moulurés. Et dans ces niveaux de reconstruction, on a pu retrouver également des fragments de fûts de colonnes qui reprennent exactement les dimensions des fûts de colonnes attribués au Capitole de Narbonne. Au cours de la fouille de ces niveaux, sous les pierres qui reconstruisent la chaussée, a pu être découvert dans cette zone-ci. Tout d'abord, un amas d'amphores, et sous cet amas d'amphores était conservée une épave, et les amphores faisaient partie de la cargaison de cette épave. Marie-Pierre, ici présente, fouille cette structure depuis l'an dernier. La fouille se poursuivra cet été. Il fera l'objet, je pense que Marie-Pierre ou peut-être Ambroise vont détailler le projet d'une reconstruction dans la région narbonnaise. A priori, cette épave aurait été coulée lors de l'événement qui a causé la destruction de la chaussée et elle aurait été réutilisée afin de reconstruire et de consolider cette chaussée. Pour faire un lien peut-être tiré par les cheveux avec la région romaine, on est peut-être exactement même dans l'épave de Caligula sous le mol de... Voici une dernière représentation de l'activité que l'on peut imaginer sur ces lagunes au sein de ce chenal artificiel qui faisait le lien entre Narbonne et la Méditerranée. Mais bien sûr, nous avons pu fouiller cette structure sur seulement un peu plus de 1,5 km et il reste à préciser le lien de ce chenal avec le centre-ville de Narbonne. Il nous reste encore quelques kilomètres à découvrir. Je passe tout de suite la parole à notre collègue Ambroise de la Salle qui va vous présenter l'intégration de ces résultats et le projet du musée régional de Narbonne.